J'ai détruit devant témoins les privilèges de notre union. Selon tes hiérarchies, et j'ai écrit que je t'aime encore. Qu'hier, dans un passage secret, des rues poussiéreuses de Madras, une vieille femme m'a vendu un sirop qui guérit les maux de l'amour. Son effet secondaire est léger. Je laisse mes peines s'en mettre. Celles qui te chercheront dans tes veilles, quand la lune réapparaîtra avec son os, et la nostalgie qui m'enivre ne sera plus mienne, mais tienne. Et même si tu me crois lointaine, tes soucis seront. Les soucis seront les miens.